comme l'été, chrysanthème, comme juillet, aime. Je sais que je ne te manquerai plus jamais. Tu pensais souvent à moi, petit à petit, ça s'en va. Je sais que je ne te manquerai plus jamais. C'est juste une constatation, faut pas y prêter attention. Je sais que je ne te manquerai plus jamais. Je vais pas en mourir, enfin j'espère pas mentir. Je sais que je ne te manquerai plus jamais. J'avais fini par ne plus croire en ton amour. Je me trompais et là c'est le non-retour. Je sais que je ne te manquerai plus jamais. Plus jamais, je ne te manquerai plus jamais. Plus jamais, je ne te manquerai plus jamais. Plus jamais, je ne te manquerai plus jamais. Plus jamais, je ne te manquerai plus.